Au bord d'une route, il y a plusieurs jardins séparés par des haies. Le vieux papet pioche. Le boulanger arrive à grands pas. Il entre dans son jardin qui est désert. Alors il se penche sur la haie et appelle le vieux paysan qui est sourd. Oh, papy ! Oh, papy ! Quoi ? Vous avez pas vu ma femme ? Quoi ? Vous avez pas vu ma femme ? Ta femme ? Si je l'ai vue ? Oui. Non, je l'ai pas vue. Je la connais pas. Je ne savais même pas que tu étais marié. Mais oui, il n'est pas venu une femme ici. Oui, il en est passé une ce matin. Elle ramassait des limaçons. Une grande vieille avec un peu de barbe. C'est pas ta femme quand même. Ah non, c'est pas elle, non. Alors tu es marié et tu ne sais pas où est ta femme ? Et oui, je le sais. Elle est à la messe. Seulement je croyais qu'en allant à l'église, elle n'avait passé pas ici. Oh non, ça non. Merci. Le boulanger part en courant. Ma foi, c'est peut-être pas à l'église qu'elle est. Enfin, quelle idée de se marier quand on est boulanger. Le boulanger entre dans l'église, il y fait presque nuit. Et il n'y a personne. Aurélie ! Aurélie ! Soudain, une porte s'ouvre et le curé paraît, revêtu de ses ornements sacerdotaux. Il marche droit au boulanger. Que faites-vous là avec ce bonnet ? Il ôte vivement son bonnet. Je vous demande pardon, monsieur le curé. Je cherche ma femme, il y a 2 heures qu'elle est partie. Elle n'est pas au jardin. Alors je pensais que par hasard, elle était ici. Vous avez raison de dire par hasard, car je ne l'ai pas encore vue ici. Ah ben, c'est, monsieur le curé, il n'y a que 5 jours que nous sommes ici. Alors, n'est-ce pas, il n'y a pas lieu dimanche. Mais aujourd'hui, elle viendra probablement. Une femme qui vient probablement à la messe le dimanche n'est probablement pas une femme qui vient à la messe à 7h du matin. Oh, pourtant, monsieur le curé, à Banon, elle est tous les matins à 6h30, pendant que je faisais ma 2e fournée. Oui, et puis, vous savez, elle n'allait pas à la messe pour se faire revoir, non. Elle se cachait derrière un pilier. Elle se cachait tellement bien que jamais personne ne l'a vue. Alors, je pense qu'aujourd'hui... Si elle est ici aujourd'hui, c'est qu'elle se cache aussi bien qu'à Banon. Si elle n'est pas là, je me demande où elle peut être, alors. Et Dieu, vous vous demandez pas où il est ? Non, il est là. Il montre l'autel. Il est partout, mon ami. Et je souhaite qu'en ce moment même, il soit auprès de votre femme. Mais je le souhaite aussi, j'aimerais mieux que ce soit lui que notre. Souvenez-vous que si un jour vous avez besoin de consolation, c'est ici que vous les trouverez, pas ailleurs. Je le sais, monsieur le curé, merci. Je vais dire la messe de 7h, c'est dimanche. Profitez-en. Asseyez-vous. Il s'assoit, le curé monte à l'autel. Cependant, au bord d'un grand champ labouré, Antonin se glisse le long d'une haie. Son chien quête devant lui. Antonin avance en se dissimulant pour tâcher de surprendre le gibier. Brusquement, il s'arrête et regarde entre 2 branches. Un cheval arrive. Antonin paraît stupéfait. Il se cache. Le cheval passe au galop.